19, 18. Bon, alors non, mais surtout, en fait, dans la maigreur, squelettique, il y a aussi et surtout la volonté, entre guillemets, de poser un idéal esthétique inatteignable, dites plutôt inaccessible, pour la majorité des femmes. Donc là, on retrouve une volonté encore de les culpabiliser. Bon, mais alors là, il faudrait développer ce thème de la culpabilité, comme quoi finalement cette maigreur dans la mode et dans l'esthétisme, il rejoint toute une pensée sociale, toute une idéologie sur la femme en ce moment. Qui touche aussi les mères de famille, sur le rapport mère famille-enfant, mère de famille, réussite scolaire, des enfants, elles doivent être ceci, et elles peuvent pas, à chaque fois une position très contradictoire. On met aujourd'hui toujours les femmes entre des réalités de vie et des idéaux sociaux irréconciliables avec l'idée que cette impossibilité est liée, est due à elle, à leur subjectivité, et non à une impossibilité objective. Relis les... Bon, alors je disais, donc en fait, c'était l'idée, on retrouvait au fond, dans cette idée de maigreur, une situation tout à fait particulière, d'un principe très général concernant les femmes dans nos sociétés actuelles, qu'on les met toujours, finalement, en contradiction avec elles-mêmes, c'est-à-dire, on les met toujours dans une situation où les réalités vécues des femmes et l'idéal qu'on leur demande socialement d'atteindre sont irréconciliables, sont d'ordre qualitatif totalement incommensurable, et on leur dit toujours que pour être justement pour l'idéal, est-ce qu'elles doivent être, c'est cet idéal, et que si elles ne peuvent pas l'atteindre, c'est de leur faute. Et non pas avec la négation que cette impossibilité est une impossibilité en fait objective. Et ça, dans l'idéal de la maigreur, il y a aussi cette impossibilité. C'est une impossibilité objective d'être aussi maigre que ce mannequin qui pose. À moins d'être un mannequin qui pose, justement. Mais qu'une femme, ne serait-ce que par ses déterminations, biologiques, mais aussi par le mode de vie qu'elle a, la réalité, avoir des enfants, vivre, travailler, elle ne peut pas être aussi maigre que ses filles. Non, mais c'est clair qu'on ne travaille pas en mangeant une pomme, quoi. Donc, alors, notre personnage, comment il va se situer par rapport à cette impossibilité objective d'être conforme à l'idéal que socialement elle imagine devoir atteindre et qu'on lui propose, effectivement, qu'on propose aux femmes. Alors, parce qu'elle aussi, finalement, l'idée, c'était qu'elle est mince et que l'idéal, c'était d'être squelettique. elle perçoit bien quand même qu'il y a une certaine différence. Qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait. Remarque, ça en rejoint après une autre idée qui était elle fait partie des gens pour qui ça pourrait être ça, mais qui est jamais tout à fait ça, parce que précisément il y a toujours cet écart. Non, ça c'était encore une petite autre idée. Ouais, non, ça c'est une autre idée. Donc comment elle se situe, elle, comment elle vit ça, cette contradiction, d'après toi? Est-ce qu'elle vit ça sur le mode du je dirais, est-ce que cette contradiction implique des contrariétés en elle? Oui. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'elle est consciente des limites de l'idéal? Ah ben attends. Cette femme, elle est assez satisfaite quand même de ce qu'elle est. Et elle se rend bien compte que par rapport à d'autres femmes, mères de famille, qu'elle rencontre... Attends. Que par rapport à d'autres femmes, collègues, mères de famille qu'elle rencontre, qu'elle est plutôt bien. Bien. Attends. Ouais. Bien. Bien, c'est-à-dire mince. Oui, d'accord. D'accord. Bon. Donc, par exemple, elle n'a pas de complexe particulier. Mais, c'est le mais, qui pose difficulté. Bon, mais par rapport aux critères esthétiques mannequin, il y a une différence. Ça, on en est convaincu. Elle en est convaincue. Bon, de toute manière, plus tard, moi, je propose une explication de comment elle explique cette impossibilité, pourquoi elle n'est pas conforme à l'idéal. Je disais que c'était la pensée continuelle, que c'est de la faute des autres, qu'il y a toujours des autres qui l'empêchent. Alors, on pourra développer les idées qu'elle peut avoir concernant cet empêchement produit par les autres. Mmh. Ça pourra, par exemple, son mari qui mange trop, mais ça peut être aussi... ses élèves qui l'obligent à s'énerver tout le temps, ou bien même qui lui offrent des chocolats, enfin bon, mais aussi c'est les gens qui en voiture roulent tout le temps, avec qui n'ont pas besoin de rouler, et ils sont là inutilement, ils n'ont pas besoin de prendre leur caisse à la fatigue dans les embouteillages, on pourra développer ce genre de pensée qui renvoie toujours la faute à l'autre. Mmh. Mais ce que j'aimerais savoir, là, ici, hic et nunc, c'est... Mais attends, j'étais en train de penser à quelque chose. Je me disais finalement, pourquoi quand t'es mince, tu vas être squelettique, enfin, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je comprends quand t'es gros, pourquoi tu vas être mince. Mmh. Mais je ne comprends pas pourquoi quand t'es mince, tu vas être squelettique. Mmh. Et je me dis que, en fait, quand t'es mince et que tu vas être squelettique, c'est que t'as effectivement cette image de mannequin. Qu'est-ce que véhicule cette image de mannequin? Une image showbiz, de richesse... De vie. Showbiz. Richesse. Les histoires des mannequins qui sont avec Mick Jagger ou je ne sais qui. Vie facile, voyage, propriété à Malibu. Et qu'en fait, par cette volonté d'être squelettique, il y a une vie, il y a une vie qui s'énonce profondément insatisfaite. Bon, tu me diras, quand t'es gros, c'est que tu vas être mince aussi, mais... En fait, c'est moins esthétique, une volonté esthétique, que la volonté d'une autre vie. D'une vie avec plein de fric, quoi. Tu vois, elle, à mon avis, elle pense confusément, je suis quand même pas passée très loin de ça. J'aurais pu pas passer très loin de ça. Et quand elle voit par exemple les photos chez le photographe... Attends. Elle se dit, moi je pourrais être mannequin. Enfin, j'aurais pu... s'il n'y avait pas tous ces gens qui m'emmerdent, j'aurais pu effectivement avoir cette vie-là. Temps, elle peut développer une pensée de secours. Oui, mais toutes ces filles, d'une manière, et puis toutes ces filles, toutes ces mannequins n'ont rien dans le crâne. Ouais, n'ont rien dans le crâne, elles sont pas heureuses, l'argent. Je voulais tout de même ne pas être conne. Ouais, et puis elle peut ériger ça comme un choix du type à 17 ans, toute fille à peu près bien bousculée s'est vu proposer des photos par des mecs qui n'ont jamais été photographes, mais enfin tu vois. Genre je suis passée, j'ai eu ma chance, j'ai une chance et au lieu de la... j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix, l'école normale. Ce qui nourrit aussi une rancœur plus grande, en fait. Plus grande de ne pas être reconnue pour ce qu'elle est dans le choix qu'elle a fait. D'un choix qu'elle a fait. Elle a sacrifié la belle vie pour enseigner. Ouais. Et donner la culture aux enfants. Putain, le parent d'élève. Purée, un parent d'élève qui le reconnaissent pas. Et puis le monde entier le reconnaît. Et puis le monde entier. Y compris ses collègues. Y compris son mari quand il s'extasie sur les seins de Claudia Schiffer. Bon. Non, ça semble... Alors, est-ce que là, tu verrais une scène où tout cela pourrait s'exposer? Quand je dis une scène, c'est en fait, il peut y avoir des paragraphes descriptifs, des pensées, des remarques du narrateur, etc. Donc, mais est-ce qu'on verrait plutôt une scène où sa propre pensée pourrait être exposée? Une scène avec un parent d'élève qui se passerait mal? Ouais, mais comment? Qui pourrait, parce qu'il y a plusieurs idées. Donc en fait, on pourrait une scène, et puis après, où elle pourrait discuter, on verrait un dialogue, où on la verrait hyper agressive, où on sentirait qu'elle lui reproche. Justement, elle lui ferait remarquer qu'elle a beaucoup sacrifié pour ses élèves. Notamment toi, mais enfin, sans le dire directement, mais toi, on s'en tire en substance. Scène avec parents d'élèves qui lui reproche quoi? Qu'est-ce qu'il faut lui reprocher? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut reprocher à une astite? De ne pas pousser suffisamment les élèves ou... Bah, à propos de son enfant en particulier, oui. De toute façon, ce serait plutôt, tu sais, quand un père ou une mère vient voir, ce serait plutôt une mère d'ailleurs. Ou un père, je ne sais pas, peu importe, qui lui reprocherait quoi. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec les enfants? Elle a pris le camp à la console de jeu, elle peut pas la rendre. Il y a beaucoup d'instincts qui sont mêlés par les parents que ça. Ça ne fait pas beaucoup. Je sais pas, par contre, à propos de quoi on peut se plaindre des instincts? De ne pas se faire travailler les enfants, moi, je vois que ça. Je vois pas en fait individuellement ce que tu peux reprocher à une instinct concernant tes enfants. Bah, quelque chose qu'elle leur a dit, juste comme ça. Ils t'ont répété, et t'es pas du tout contente que l'instinct dire à un enfant qu'il fera jamais rien de bon. Parce qu'il est trop bête. Ah ouais. D'avoir dit à un enfant qu'il ne fera jamais rien de bon parce qu'il est trop bête. C'est pas mal ça. En parler, elle en parle un peu avant avec sa collègue. Appréhension de la rencontre exposée et justification de la situation. Situation est exposée de la justification de sa phrase. T'es plus très attentive, la Catherine Ismail? Si, je suis attentive. T'es fatiguée? Un petit peu. On arrête.